Bon, monsieur l'arbi, vous avez été interpellé pour trafic de stupéfiants. Et au vu de votre casier judiciaire et au nombre de condamnations, vous allez être placé en garde à vue. Vous pouvez demander à avoir un avocat ou un médecin. J'espère compter sur votre entière coopération, monsieur l'arbi. Obligé de pégo, mon shit en baraque. Wanted, sans me prendre la tête. Impossible que j'arrête, j'mets le truc dans le micro-ondes. Pendant qu'au micro, j'explose les ondes. Esquive la maison d'arrêt. Au pire en cellule, j'ai tout ce qu'il me faut. À peine arrivant, j'ai les pieds devant et tout ce qui me vaut. Big up au poteau qui pète mon sang par la fenêtre. La tête pétée à en devenir ce qu'ils ont, frérot. Tire, tire sur le wesh. Petit pire, faites-moi l'oseille ou restons yinche. Grand arrêt, chauffé au briquet. Gringalé, OP pour mes criquets. Au cricket, c'est la foufoune qui casque. Et piquet, j'cartonne 100 mètres de casque. Et c'est le casque de ma décennie. Pilon sur le schlar, c'est une épidémie. J'invente ma cam, prends-en une dose. Pense comme ta dame, n'hésite pas, mettre pause. Rien à foutre de la police, continue du droit. J'vais être seul sur l'échiquier comme voudrait ton roi. J'invente ma cam, prends-en une dose. Pense comme ta dame, n'hésite pas, mettre pause. Rien à foutre de la police, continue du droit. J'vais être seul sur l'échiquier comme voudrait ton roi. Monsieur l'agent, j'pourrais vendre la cocaïne. Moi je n'ai pas la sagesse que procéder à bout en libre. Un coup à la mosquée, un coup à vendre. Je ne suis pas de ce genre car on finira dans un trou avant. Changement de cap, j'picrave mes barrettes, mes pas dans le crack. Et qui t'a pété la tête, j'te puterai pas toi. T'as pas confiance, mon zèle là est réputé pas toi. Le terre-terre se partage pas. Même les petits à ton avis ont débuté par quoi. Au pire c'est carnage grave. Mais au contrôle de police, nous on balance pas. Déféré au parc et j'ai mon avocat. Préférez être au qu'à votre avantage. Monsieur, j'ai plus rien à dire. C'est sûr que je vais en tôle et que j'ai plus rien à dire. J'invente ma cam, prends-en une dose. Pense comme ta dame, n'hésite pas, mettre pause. Rien à foutre de la police, continue du droit. Je vais être seul sur l'échiquier comme voudrait ton roi. J'invente ma cam, prends-en une dose. Pense comme ta dame, n'hésite pas, mettre pause. Rien à foutre de la police, continue du droit. Je vais être seul sur l'échiquier comme voudrait ton roi. Je dois me barrer d'ici, faire de mon mieux pour partir loin. Bicrave dans une décie, c'est affronter tous étrangers. À la police nous guette, on va tomber un par un. Y'en a compris perpète, y'a pas que du rap dans le vin moins un. Dans notre milieu la police nous raquette. Vous aimez l'ombre en portant plusieurs casquettes. Malheureusement je n'ai pas voulu céder. Je ne vends pas que les CD. J'aime bien couper mes barrettes. Couper mes barrettes. On s'en sort comme on peut. J'suis un homme avant toute chose. Je joue à des jeux dangereux. Mais pour mon gosse je n'ai qu'une cause.